soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Images du livre, parce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, pour le pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Mercedes arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur 895 de Duo si vous nous rejoignez en ce lundi 7 octobre 2024. Une nouvelle semaine qui s'ouvre pour ce programme Info Actu local, des mots, des sons sensibles, actualités politiques, sociales et culturelles. Les lundis, mardis, jeudi, 12-13 en direct, rediffusion 19h et lendemain 8h. En ce premier jour de semaine et en ce lundi, nous allons mettre en lumière et en avant un partenariat qui est en place depuis plusieurs saisons maintenant. Partenariat aux côtés de la salle de musiques actuelle Le Fil à Saint-Etienne, qui vient d'entamer sa nouvelle saison 2024-2025. L'occasion de vous faire retour sur cette présentation de saison, au-delà de la diffusion, les autres actions et activités qui sont menées au sein de la salle, via la diffusion ou retransmission d'une conférence de presse que j'avais l'honneur d'animer et présenté le 26 septembre dernier. Donc l'occasion de vous diffuser ce temps de rencontre et de présentation des activités de la salle Le Fil. Tout cela avec quelques dates partenaires à venir. La saison a bel et bien été lancée semaine dernière avec déjà deux soirées concerts partenaires sur lesquelles peut-être bien nous reviendrons en termes de présentation rapide. Mais en tout cas, les dates approchent à grands pas et se poursuivent en ce mois d'octobre. L'occasion là aussi de revenir sur cette programmation et notamment les partenariats en cours. Et donc, jeux concours et places à gagner sur le 895 de Duo, restez à l'affût et à l'écoute. Un programme et un magazine donc actu culturel essentiellement. D'autres infos également à vous faire part en toute ouverture de ce programme. Petit tour d'horizon en termes agenda des rendez-vous qui vous sont proposés cette semaine ou début de semaine. Tout cela après la première proposition musicale de ce programme. Des mots, des sons sensibles s'ouvrent avec nos découvertes partenariats artistes album Ferrarock, notre fédération nationale qui vous propose toujours deux propositions chaque semaine en découverte, en présentation, diffusion, je concours également. Alors au-delà du projet L'Aventure qui vient de dévoiler son tout premier EP intitulé Mad Girl en autoproduction, qui est sorti le 20 septembre dernier. Je vous propose de découvrir finalement l'autre proposition cette semaine. Ce n'est pas un premier EP, c'est même un cinquième album pour Golden Bug, qui est donc de retour 2 ans après Piscola Bis. Le producteur français Golden Bug dévoile la suite pour un cinquième album et deuxième volet, Piscola Bis 2. Toujours assez supersonique finalement. On retrouve l'atmosphère organique et robotique de Piscola Bis et puis d'autres approches expérimentations encore sonores propres à l'artiste. Je vais vous proposer d'en découvrir un extrait pour cet album qui compte 10 plages, 10 nouveaux titres, sortis le 4 octobre dernier, il y a donc quelques jours, fin de semaine dernière, via Label Records, là plus loin, Bell Records. De belles participations ou featuring au sein de cet album, on retrouve la londonienne Phoebe Coco, on retrouve également Vega Yo Voga de Tristesse Contemporaine, ou encore notamment l'artiste berlinois Ruben Kilmansegge, ou encore sur plusieurs titres justement les Liminianas que l'on affectionne particulièrement sur cette antenne, le duo Lionel et Marie qui en effet participent et apportent ce rythme parfois assez lourd, assez tranchant. Les guitares des Liminianas, en effet, qui habitent aussi cet album, et notamment ce titre-là que je vais vous proposer de découvrir en ouverture de ce programme. Il s'intitule « L'effet domino », sorte de western noir marqué d'un soyeux et puissant spoken word de la brillante Anna Jean. Transition toute faite Ferrarock, puisque c'était aussi un partenariat récent. Anna Jean n'est autre que l'artiste au sein de Junior Re, qu'on vous a présenté récemment en partenariat et en découverte également Ferrarock. Bref, on écoute donc les Liminianas aux côtés donc de Golden Bug, issu de ce Pisco Labis 2. C'est l'effet domino que je vous propose de découvrir en ouverture de ce programme. Des mots, des sons sensibles, c'est parti. Toi, tu joues pas. Toi, tu mises gros. T'as tes raisons, même si c'est souvent par défaut. Tes horizons à degré zéro. La façon de reconnaître le vrai du faux. T'as pas la tête à jouer les anti-héros. Tu te répètes, tu cherches les mots. T'as rendez-vous, t'arriveras à tout. T'as rendez-vous, ready, set, go. L'effet domino. les guitares des Liminanas. Sur ce titre, l'effet domino, avec un agent du projet Junior Re, en featuring donc sur cet album et ce titre, là, très bon titre, de Golden Bug Piscolabis 2, deuxième volume, sorti ce 4 octobre dernier via Label Records. C'est le partenariat Ferrarock cette semaine. Vous en saurez bien sûr davantage en vous rendant sur le site dédié de la Ferrarock, ferrarock.org, où retrouvez encore ces albums découvertes et partenaires via le programme Dig Dig Diggers pour cette nouvelle semaine. Ce sera bien sûr vendredi 12h, 19h, lundi en matinale dès 8h, avec donc eh bien, un module découverte, album et interview de Golden Bug réalisé par Jordan de Radio Omega, notre radio cousine voisine de Valence. Et puis l'autre album découverte cette semaine, ou EP, Mad Girl de l'Aventure, et c'est Marie de Sol FM, radio de la région lyonnaise d'Oulin, voisine également, qui aura assuré l'interview. Vous retrouverez également un troisième petit module événement live, avec petit focus sur les Inouïs du Printemps de Bourges 2024, avec un petit live d'une artiste sélectionnée. Voilà pour ce Dig Dig Diggers et ce programme Ferrarock de cette semaine. Quelques infos à vous faire part en ouverture de ce programme. Des mots, des sons sensibles en ce jour gazastrophe, 7 octobre. Un an de douleur, un an de peine, un an de deuil, un an de souffrance. Solidarité bien sûr avec le peuple palestinien et l'espoir d'une solution trouvée dans cette situation complexe du Proche-Orient. Une actualité concernant un militant anticolonialiste précisément. Il s'agit d'Albert-Paul Lantin, qui est né un 28 août 1923 à Constantine en Algérie et qui est mort un 23 décembre 1993 à Paris. Et 31 ans après son décès et après plusieurs années de travail pour constituer un fonds d'archives autour des écrits d'Albert-Paul Lantin, une rencontre publique aura lieu cette fin de semaine et qui est pour les organisateurs, organisatrices, l'occasion de continuer à faire connaître la vie et les engagements de ce journaliste, témoin et acteur de nombreuses luttes du XXe siècle, et puis l'occasion aussi de s'interroger sur le métier de journaliste et ses dérives dans le contexte actuel. Albert-Paul Lantin, qui a dédié son livre « La lutte tricontinentale, impérialisme et révolution » en 1966 à son ami Bedi Ben Barka, président du comité préparatoire de la tricontinentale, assassiné trois mois avant l'ouverture de la conférence à La Havane. Nous l'avions déjà évoqué sur cette antenne en accueillant le fils d'Albert-Paul Lantin, Dominique Lantin, artiste, musicien stéphanois, qui avait eu l'occasion déjà de rendre hommage à son père au travers du projet Un fils de Constantine, qui sera précisément joué en lecture concert pour ce projet cette fin de semaine et que nous accueillerons précisément demain, ce mardi 8 octobre, dans le magazine Des mots, des sons sensibles. Lecture-concert autour du projet Un fils de Constantine avec Dominique Lantin, Jean-Paul Delors, Françoise Basset et d'autres artistes locaux. Des interventions et précieux témoignages. Alice Cherki, psychiatre, psychanalyste, écrivaine, amie de longue date d'Albert-Paul Lantin, et Bachir Ben Barka, président de l'Institut Mehdi Ben Barka, qui œuvre sans relâche pour chercher la vérité sur l'assassinat de son père. C'est un événement qui se tiendra ce dimanche 13 octobre, après-midi de 14 à 19h à l'Amicale Laïque du Crédroc. Et c'est en partenariat avec le réseau régional Trace, Histoire, mémoire et actualité des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes, avec précisément une entrée libre, mais soutien bienvenu et conseillé pour défrayer d'une part les intervenants et surtout des fonds reversés à Medical Aid for Palestinians. Voilà pour cet après-midi de ce 13 octobre prochain, 14-19h à la Cale Amicale Laïque du Crédroc, située 16 rue Royer à Saint-Étienne, et vous annoncez donc une émission consacrée à cet événement et donc ces rencontres autour des mémoires d'Albert-Paul Lantin avec Dominique Lantin, qui sera notre invité ce mardi dans Ses mots et sons sensibles. Ce sera donc demain ou tout à l'heure si vous chopez la rediff. Ce mardi 8 dans ce mag. Autant vous annoncer d'emblée le programme duophonique et sensible de cette semaine. Au-delà de cette rencontre avec Dominique Lantin à l'occasion de cet événement de ce 13 octobre, ce mardi, vous annoncez le troisième et dernier rendez-vous sensible de cette semaine, ce sera donc jeudi, ce jeudi 10 octobre, où nous aurons l'occasion de réaliser une émission en direct de la galerie Jaurès à Saint-Étienne. La galerie Jaurès qui accueille une exposition anniversaire, puisque ce sont les 20 ans des éditions Jargy 2004-2024, 20 ans d'édition, avec une exposition rétrospective Jargy qui sera... Alors le vernissage aura lieu jeudi en fin de journée pour cette expo qui sera visible tout ce week-end du 11 au 13 octobre à la galerie Jaurès, qui est située 2 rue Francis Garnier. Et ce, à l'occasion, bien sûr, de la fête du livre, la 38e fête du livre, qui va se tenir cette fin de semaine à Saint-Étienne. Nous serons donc installés dans la galerie Jaurès à l'occasion de cette exposition et l'occasion surtout d'un plateau spécial fête du livre avec un focus véritablement sur les éditions Jargy, avec ceux qui militent et véritablement sont proactifs au sein de cette maison d'édition. Deloupi sera, pour exemple, aussi invité, bien sûr, pour d'autres actualités, rencontres prévues dans le cadre de cette fête du livre, et puis d'autres auteurs, Michael Mignet, scénariste entre autres chez Jargy, Ulrich Stahl, qui est dessinateur et qui sort son nouvel album chez Jargy, une fiction qui se situe dans la mouvance punk, ou encore Anna Jouchou, la nouvelle commissaire de la fête du livre, qui devrait également rejoindre ce plateau que j'aurai le plaisir de réaliser et co-animer avec Gérard, qui anime une émission mensuelle, vous savez, le mercredi matin, la mensuelle du matin, 10h, au Rieur Sanglier, émission existante sur notre antenne et présente au sein de notre grille depuis la fin de saison dernière. Voilà pour ce rendez-vous audiophonique, donc, en direct de la fête du livre de la Galerie Jaurès. Ce sera ce jeudi 10 octobre pour ces mots et sons sensibles derniers de cette semaine. À vos agendas, toujours pour ce lundi 7 octobre. C'est tout à l'heure à 18h à la Maison de l'Université. C'est Oser le Féminisme 42 qui nous a adressé cette information, qui organise une conférence d'Eliane Viennot sur Fabriquer l'invisibilité des femmes. Au commencement était la langue. C'est ouvert à tous et toutes. C'est gratuit ce 7 octobre. Donc 18h à la Maison de l'Université Jean Monnet, 10 rue Tréfilerie à Saint-Étienne. Eliane Viennot, qui est professeure de littérature, historienne et autrice, et qui reviendra donc sur cette question de la représentativité du féminin dans la langue, qui est un enjeu féministe important, qui structure aussi nos relations sociales, qui détermine la place des femmes dans la société, dans l'histoire, et qui conditionne aussi notre vision du monde. Rendez-vous donc, c'est ce lundi 18h, Maison de l'Université Jean Monnet. Autre rendez-vous pour ce jour du côté du cinéma Le Méliès, avec en ce moment le film Les Barbares qui est projeté au cinéma, qui aborde le sujet de l'accueil des personnes réfugiées et qui dénonce avec humour les préjugés qui existent autour de cette question de société fondamentale. Et pour l'association J'accueille, qui propose un programme d'hébergement citoyen chez l'habitant de personnes réfugiées, c'est bien sûr une occasion en or pour parler de ce sujet qui tient particulièrement à cœur donc de l'association. Rendez-vous est donc donné ce lundi 7 octobre, ce soir, au cinéma Méliès, pour une séance de ce film, suivie d'un temps d'échange avec des accueillants et accueillantes et des accueillis de ce programme, qui auront l'occasion de partager donc leur expérience et qui feront part aussi de l'enrichissement mutuel qu'apporte la cohabitation solidaire. Donc pourquoi pas assister à ces témoignages et puis peut-être aller au-delà et peut-être vous engager à accueillir. Projection du film Les Barbares de Julie Delpy, donc suivi d'un échange avec l'association J'accueille par Singa, que vous connaissez sans doute à Saint-Étienne. Pour ce réseau d'accueil, l'association interviendra via Hugo Deliotra, en présence d'une bénévole investie dans plusieurs associations à Saint-Étienne et notamment à J'accueille. Et puis d'autres témoignages, comme un couple qui accueille actuellement précisément un autre couple de réfugiés syriens depuis cet été. d'autres depuis le mois de mars, pour exemple, sur un accueil également depuis quelques mois, ainsi qu'un réfugié afghan de 24 ans, donc accueilli chez une personne actuellement. Voilà, ces témoignages présentés ce soir. Ça se passe au Méliès Jean Jaurès. C'est à partir de 19h30 autour du film Les Barbares. Information et rendez-vous paysan se tient actuellement et jusqu'à mi-octobre, jusqu'au 16 octobre prochain, le réseau AMAP en fait, l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui propose de multiples rendez-vous et actions et animations hein, tout au long de ce mois, puisque c'est un mois dédié aux AMAP depuis le 16 septembre dernier. Mais autre actualité paysanne et agriculture paysanne en l'occurrence dans le département, avec les amis de la Confédération paysanne qui nous a aussi fait part de cette réunion de mobilisation. Et donc invitation à participer à une rencontre et discussion autour des enjeux de l'agriculture paysanne dans la Loire. Alors si vous souhaitez soutenir un modèle agricole alternatif, en savoir plus sur le syndicalisme agricole et les enjeux dans la Loire, eh bien vous pouvez aller rencontrer et échanger sur l'avenir de l'agriculture sur le territoire, l'alimentation, la façon de la produire avec des paysans, paysannes, qui doivent aussi faire face aux enjeux de ce 21e siècle. C'est un rendez-vous qui a lieu ce mardi 8 octobre, avec un accueil à partir de 17h30 au Treuil, ce tiers-lieu rural qui est installé sur la commune de Chambœuf. Nous reparlerons d'actualité paysanne avec notamment un rendez-vous presse qui nous a aussi été adressé cette semaine suite à la mobilisation de la Confédération paysanne Loire au sommet de l'élevage et en réaction aux annonces de la ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Eh bien, la Confédération paysanne va organiser donc cette conférence de presse ce milieu de semaine en présence d'éleveurs, éleveuses impactés, ce dont nous reparlerons sans doute sur cette même antenne et dans ce même programme. Et un dernier rendez-vous en ouverture de ce programme. Nous avons évoqué l'Amicale laïque du Cred Rock tout à l'heure. On en profite également pour rappeler ce rendez-vous de ce jeudi à l'Amicale laïque du Cred Rock. Un point là aussi important autour de la vie associative. Association, quel prix pour la liberté? Voilà, comment être indépendant? Comment être impertinent, sauvage et libre? Ça, c'est une véritable question telle que nous pouvons nous la poser ici même également à l'association Amis des Ondes Radio Dio et d'autres associations bel et bien concernées par cette question. De par aussi la conjoncture et le contexte actuel, bien l'occasion de mettre tout cela en débat en partenariat avec le laboratoire Triangle de l'Université de Saint-Étienne avec plusieurs intervenants, notamment Antonio Delfini qui est chargé de mission à la coordination Passons-nous et des militants de l'association stéphanoise présente, ainsi que Thomas Chevalier qui est chercheur en sciences politiques à l'Université de Lille. Ce rendez-vous est proposé ce jeudi 10 octobre à partir de 18h30 donc à l'Amicale laïque du Cred Rock à Saint-Étienne, 19 rue Royer. Il est heure et temps de faire une nouvelle proposition musicale dans ce programme. Avant de poursuivre avec notre sujet du jour, vous allez pouvoir suivre après et suite à cette proposition musicale, eh bien, le temps de rencontre, une conférence de presse pour tout dire, qui était organisée le 26 septembre dernier, il y a donc quelques jours, ça le fil, qui donc présentait sa saison, présentait ses actions, ses activités et inaugurait également sa nouvelle terrasse, un nouvel espace extérieur. L'occasion de retrouver ce temps capté et enregistré puisque j'avais l'honneur d'animer assurer donc ce temps de conférence de presse, l'occasion de retrouver les différents acteurs, actrices de cette salle Le Fil, salle de musiques actuelles qui donc lançait à la fois ce temps de rencontre, conférence de presse, mais également sa saison. Alors c'était déjà semaine dernière avec un lancement effectif et effectué de soirées partenariales. Hein. Vous avez suivi cette soirée Rhino Jazz, autre partenaire en cours qui se déroule actuellement, avec la soirée Belmondo Dead Jazz, hommage au Grateful Dead jeudi dernier, et puis cette deuxième soirée au fil samedi dernier en partenariat avec Positive Éducation en avant-goût de la 8e édition qui va se tenir du 14 au 16 13 novembre prochain, et c'était la première tardive qui avait lieu, salle Le Fil, samedi dernier. Un partenariat au long cours renouvelé cette année. Vous savez que l'association Amis des Ondes est tout d'abord représentée au sein du conseil d'administration, et puis un partenariat média au travers des dates proposées au fil de la saison, sur lesquelles nous avons bien souvent des places à vous proposer, ce qui sera le cas à nouveau en cet automne et début de saison, avec diverses concerts attendus, et nous allons précisément faire une première proposition musicale pour un rendez-vous de cette semaine avec la soirée After Work Session Live Dub deuxième volume qui va se tenir ce 11 octobre à partir de 21h jusqu'à 2h30 du mat, une autre tardive donc en ce début de saison, et je vous propose de découvrir une des artistes issues de ce label pour cette After Work Session. Ce sera Baku que je vais vous proposer de découvrir. Baku qui, comme ça, est une artiste productrice qui façonne son petit monde musical. C'est à la frontière des genres, assez profond, assez sombre, assez éthéré. Composition électro plutôt éclectique. Des productions qui aussi entre dub, techno, drum and bass, hip-hop, ambiante, dans une atmosphère assez lourde. C'est le cas pour ce titre que je vais vous proposer, Free I Aim, avec cette atmosphère pesante, dystopique. C'est donc Baku qui est attendu aux côtés de Tetra Hydroka, Mahom, Dub Engine, donc d'autres artistes qui nous viennent de Besançon, et puis d'autres régions comme Bologne pour exemple pour Dub Engine. Voilà, mais je vous propose de découvrir donc Baku pour cette date de ce 11 octobre, un partenariat duo pour lesquels nous avons des places à vous proposer. Ça se passe tout de suite maintenant au bout du fil, le téléphone duo, c'est le 04 77 25 05 94, et s'en suivra donc ce temps de rencontre, conférence de presse comme je vous le disais, présentation de saison du fil 2024-2025. C'est sur 895 de Dio. Dans la saison du fil, la SMAC de Saint-Étienne, salle Le Fil, avec pour cette semaine trois rendez-vous attendus. Saint-Étienne accueille ses étudiants avec Gribou, Mira, BNPLG, ce sera samedi 12 octobre. Isaac Delusion, Vernin, Carmin, ce sera ce jeudi 10 octobre. Et puis ce vendredi 11 octobre, soirée dub avec cette soirée After Work Session Live Dub. avec Macu, ici artiste invité, des places qui vous attendent au bout du tel 2505-94 précédé du 0477. Si vous chopez la rediff, un petit mail à contact@radiodio.org. On retrouve la salle Le Fil, retransmission de la conférence de presse du 26 septembre dernier avec Ludivine Ducrot, directrice de la salle, que vous retrouverez d'ici un instant. Merci d'être tous là, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir. Oui, effectivement, Le Fil, c'est, j'aime à le dire, que c'est un lieu des possibles et on le voit. Il y a une multiplication d'activités, on va pouvoir le voir dans le cours de cette conférence de presse. Et effectivement, c'est un projet associatif depuis ses débuts qui porte ce projet. Et c'est important de le souligner parce que ça fait aussi l'objet aussi de l'asso. Qu'est-ce qu'elle porte depuis ses débuts? C'est vraiment ce projet donc, de scène de musique actuelle depuis 2008. Et cette année, effectivement, c'était une année particulière pour nous parce que c'était une année où on recandidate à la délégation de service public puisque ce lieu appartient à la ville de Saint-Étienne et il est en délégation de service public. Donc on a effectivement fourni un gros travail pour candidater à nouveau à cette délégation de service public et on va dire qu'on est sur la finalisation là en ce moment. Peut-être que Marc en parlera tout à l'heure, qui est là avec nous. Mais en tout cas, voilà, on est très content que l'histoire se poursuive. On a encore beaucoup de choses à raconter dans ce lieu et je pense qu'avec vous tous, on va arriver à faire encore de très belles choses. Très bien, merci Ludivine. On va rentrer dans le vif du sujet en termes de programmation et de diffusion avec Julien qui va s'emparer du micro et qui va pouvoir nous présenter cette nouvelle saison 2024-2025, du moins partiellement, hein, pour le trimestre à venir. Avec, en tout cas en ce qui te concerne Julien, une première année saison un peu test. Tu as essuyé un petit peu les plâtres en arrivant en ce lieu. C'est désormais ta deuxième saison pleine et entière dont tu as pu assurer pleinement la programmation. Oui, tout à fait. Deuxième saison qui démarre. On est plutôt très satisfait de cette première saison avec des très bons retours publics et une vraie diversité dans la programmation qui a plutôt été appréciée. Donc là, sur ce trimestre, on aura un petit peu moins de dates que l'an dernier. On était arrivé à presque 40 dates sur un trimestre, ça faisait un petit peu beaucoup. On a senti que sur les billetteries, ça s'essoufflait un petit peu et les gens ne pouvaient pas suivre sur toutes les dates. Donc là, on aura 27 dates sur ce trimestre. Ça, c'est juste pour la diffusion. On aura un petit peu plus si on rajoute le jeune public et les dates de l'action culturelle. Je crois qu'on sera environ à 35 dates sur le trimestre, qui reste beaucoup. On aura un plateau pop avec Isaac Delusion, groupe parisien qui reprend la route après une longue pause. Le lendemain, le 11 octobre, nous recevons le label Afterwork. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un label stéphanois qui est très très actif, qui fait beaucoup de dates un petit peu partout en France. Et ils ont fait l'an dernier leur toute première date au Fil, avec un gros succès public puisqu'on avait fini à plus de 1000 personnes. Donc là, ce sera la deuxième édition où c'est une carte blanche à ce label. Comme souvent, on fait une grosse place aux acteurs stéphanois. Le lendemain de cette carte blanche, nous aurons la soirée SAS, Synthé accueille ses étudiants, avec un plateau urbain, avec en tête d'affiche Ben PLG. La semaine suivante, nous aurons une date caritative le mercredi 16 octobre avec le groupe La Davina, qui sera suivi le lendemain par Satellite, c'est du rock anatolien, avec en première partie un DJ stéphanois qui est à la tête du collectif des Bugnes. Le lendemain, une date événement avec un rappeur qui s'appelle Luther, que nous avons annoncé très tardivement, mais on est déjà aux deux tiers de remplissage, parce que c'est un artiste qui a une grosse, grosse communauté. Le 19, donc ça ce sera une soirée de l'action culturelle, un plateau déjà chauffé avec Greg, mais Greg vous en parlera certainement tout à l'heure. Donc on continue la semaine suivante avec le Fil Comedy Club. Ce sera la troisième édition du Fil Comedy Club. Ça fait partie des nouveautés. C'est un gros succès parce que les gens ont adoré voir ce format au Fil. et en demande davantage. Donc on va continuer ce partenariat avec Art Comic pour avoir un Field Comedy Club tous les trimestres. Le lendemain, nous aurons une soirée urbaine encore avec Opinard, qui est une nouvelle sensation, urbain, bossa, c'est un joli mélange, très classe, au club, donc soirée découverte, mais à voir absolument. La semaine suivante, nous aurons le collectif T2O, qui investira le fil pour la soirée d'Halloween, encore une carte blanche pour une nuit acide techno. Avec une grosse date début novembre, on a abordé déjà septembre-octobre. Voilà, donc là on vient de finir le mois d'octobre avec la soirée T2O, donc on démarre le mois de novembre avec le Tikenja Fakoli qui est déjà passé au fil, mais pas avec cette formule, c'est-à-dire que là c'est un show acoustique, il sera accompagné de 14 griots africains qui seront sur scène avec lui, avec des instruments traditionnels, donc c'est un show vraiment... vraiment à part de tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. C'est un spectacle qu'on trouve beaucoup plus dans des théâtres ou dans des salles de capacité plus importante avec des tarifs très, très, très, très hauts parce que les billetteries sur les autres dates vont de 35 à 55 euros. Nous, on a essayé de maintenir cette date en dessous de 30 euros pour rester le plus accessible possible. En tout cas, ce sera un très beau spectacle à voir et inédit puisqu'il ne fera plus cette tournée acoustique à la fin de celle-ci. Oui, une prestation qui fait suite à la sortie de son album acoustique qu'il avait sorti en début d'année, c'était en février, avec de nombreux invités prestigieux. Hein, on retrouve M, le Stéphanois Bernard Lavillier, Horace Endy et bien d'autres encore. Le lendemain, ce sera une soirée punk avec les 40 ans de l'anniversaire du groupe Ludwig van 88 avec en première partie le groupe punk stéphanois Shoot the Dogs. On change d'ambiance la semaine suivante avec Feld Up pour un plateau rock avec en première partie le lauréat de NTSS 2024 Black Plant. On change encore d'ambiance le lendemain avec NTSS, NASA. Dispositif notamment sur scène, autour de l'émergence locale. NASA le lendemain, donc là c'est pour une soirée hip-hop avec en première partie Daddy que certains auront peut-être vu sur l'émission La Nouvelle École. La semaine qui suit le plateau Chicago Blues Festival, donc il y a un plateau itinérant qui tourne depuis 50 ans maintenant en France. Ça faisait quelques années qu'ils n'étaient pas revenus à Saint-Etienne. C'est un retour. Et c'est un retour avec un plateau très qualitatif avec Stephen Hull qui était à Jazz à Vienne il y a 2 ans, donc avec un show vraiment, vraiment très quali. 2 jours plus tard, soirée de jazz, plateau de jazz avec Mamal Hens, une des figures du label Gondwana Records, le label anglais. Qui sera avec le groupe Jazz Welkaz, un groupe lyonnais en première partie. On terminera le mois de novembre avec une soirée humour, cette fois-ci en grande salle. Donc encore une fois, c'est un nouveau format, l'humour en grande salle. On a fait une première au mois d'avril qui avait très très bien marché, avec des super retours publics. Donc on va continuer ce rendez-vous et on aura en général un rendez-vous humour en grande salle une fois par trimestre. Donc ce sera Jamil Le Schlag le 29 novembre, pardon. Décembre démarrera avec un plateau rap 100% féminin, assez rare pour le souligner, avec la Toulousaine, Ziné en tête d'affiche, et en première partie une jeune artiste de Rive de Gier qui s'appelle Mao, qui est suivie d'ailleurs par Greg et qui est régulièrement dans les studios pour travailler son set. Et puis peut-être la scène rock qu'on n'a pas évoquée, mais c'est quand même aussi ces jeunes formations et cette belle date, novembre, le 30 novembre, avec Chester Hemmington et Strata. C'est dommage de les oublier. Oui. Plateau rock, très quali, encore une fois, qui vient de la même maison, à FX, avec Lizzie Strata, que certains ont peut-être déjà vu dans les parages, parce qu'ils ont beaucoup, pas mal joué à Lyon, et Chester Hemmington. On arrive donc sur... mi-décembre, et cette grande date du 12, tout de même. On en a oublié certaines. J'ai oublié Flavia Coelho le 5 décembre. Et on arrive au samedi 7 décembre au Grand Bal de la Sainte-Barbe. Encore une nouveauté. Je vois Riwan là-bas qui nous en touchera 2 mots tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'accueillir ces festivités de la Sainte-Barbe pour une grande after, un grand bal en grande salle où on aura le plaisir de recevoir le Barbecue Crew avec DJ Merguez et DJ Quan de Jambon. Beaucoup connaissent, avec une merguez à facettes, géante en grande salle, des animations karaoké, des goodies, des cadeaux, un vin chaud d'accueil, une fanfare, enfin, ce sera une très belle soirée, à n'en pas douter. Jeudi 12, donc, la date coup de cœur,

Dans l'ordre, écoute, Sean Couty, Egypte 81, prévu le 12 décembre prochain. Ensuite, Mamal Hands, Jazuel Kaz, prévu le 23 novembre. Et puis, Les Istrata, le 30 novembre prochain, salle Le Fil. Voilà, petite illustration. Donc, vous pouvez aller aussi sur le site du Fil, bien sûr, pour voir un peu plus encore d'éléments de programmation de ces artistes attendus. Voilà, pour cette programmation très éclectique, très ouverte, comme le souhaitent aussi Julien et l'équipe. On poursuit au-delà de la diffusion entre club et grande scène. C'est aussi la terrasse, bien sûr. Bah, l'ensemble de ce lieu se veut aussi lieu de vie, de façon un petit peu générique, avec là aussi bon nombre de propositions qui sont faites finalement pour tenter d'animer et donc rendre vivant au mieux aussi cet espace, Ludivine. Bah, effectivement, il y a plusieurs événements différents que je vais pouvoir évoquer. Dans un premier temps, il y a les Vivement Dimanche. Donc, ceux-là, ils existent depuis 3 ans. Maintenant, ça fait 3 saisons qu'on travaille sur les Vivement Dimanche. Donc, c'est un dimanche tous les 2 mois, notamment normalement le premier dimanche. Donc, là, ça va être en octobre. Puis après, décembre, février, avril. Voilà, on fait 4 dimanches dans la saison. L'objectif de ces Vivement Dimanche, moi, quand je suis arrivée, le concept existait déjà. Il était en train de s'affiner. Et l'idée, c'était d'ouvrir le fil. Sur une journée où il n'est pas habituellement ouvert, l'ouvrir à des familles pour qu'elles puissent s'emparer de ce lieu. Et l'idée, c'était d'y coller des thématiques. Donc là, cette année, on aura 2 Vivement Dimanche qui seront autour du roller, donc où vous pourrez venir faire du roller, notamment avec vos enfants dans la grande salle au son d'un DJ. Ça marche toujours effectivement très bien. Et puis après, il y aura 2 autres Vivement Dimanche. Il y en aura un début décembre qu'on appelle le marché d'hiver, où là, l'objectif, c'est d'acheter et de faire des ateliers, en fait, de plein de choses qu'on peut fabriquer soi-même. Ça, pareil, ça a une bonne audience à chaque fois. C'est dans la grande salle, il y a toute une décoration. Enfin, on met le paquet, hein, évidemment, c'est un vrai marché de Noël. Et puis après, en avril, on transforme le fil en un grand espace de jeu. Donc, dans tout le fil, il y a des jeux en bois, des jeux d'arcade, il y a tout type de jeux. Tout ça toujours en musique, hein, évidemment, puisqu'on reste dans notre concept. Et là, pareil, ça fonctionne très bien. Donc, on a énormément de publics qui viennent pas d'habitude en fait au fil et qui viennent le dimanche. C'est évidemment gratuit et on peut dire que ça évolue bien et on va continuer à progresser dans cette saison. Peut-être qu'on travaillera encore d'autres thématiques les saisons à venir. En tout cas, voilà, on est une petite équipe au fil à gérer ça et je les remercie au passage parce qu'à chaque fois ils débordent d'idées, mais bon, dans cette équipe, c'est vrai qu'ils sont comme ça, quand même assez comme ça. Après, il y a d'autres soirées. Donc, évidemment, donc là, Julien en parlait tout à l'heure. Donc, là, il y a cette nouvelle soirée qui arrive au club qui s'appelle les Échauffés. Pour des soirées brûlantes au club. Alors, j'étais pas là hein, quand la baseline a été décidée, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais devait être absente, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça donne, en tout cas, moi, ça me donne envie d'y venir parce que l'idée, c'est de remettre le club comme un, on en parlait, hein, c'est le lieu de vie, donc comment ce club, ça vient aussi un lieu de musique où on est, voilà, on est en proximité, on vient y boire un verre, on est dans un truc très convivial, c'est ce qu'on veut rechercher dans ce club, vous le savez, ce club, il est très chaleureux et on va essayer de par ces soirées de le rendre encore plus chaleureux. Et évidemment, ces soirées, on y programme de la découverte. Toutes les découvertes, Greg vous en reparlera tout à l'heure, les groupes qu'on accompagne au fil, qui viennent et qui jouent au club gratuitement, évidemment. Donc ça, c'est des dates aussi qui vont être, je pense, assez chouettes. Oui, ça sera le 19 octobre. C'est des soirées échauffées qui font suite à ce qu'on avait vu peut-être la saison dernière, si vous vous rappelez, les synthés rock, les synthés de rap, etc. Les synthés, voilà, qui, cette année, sont envisagées. Donc on a enlevé le terme synthé et on s'est dit qu'on allait miser ni sur le synthé, ni sur l'esthétique, mais plutôt sur l'ambiance du club. Oui. Espace qui se, aussi, finalement, transforme, parfois véritablement. Tu as parlé de ces Vivement Dimanche et de ces roller mix par exemple qui s'y déroule, le fil se transforme en véritable patinoire à roulettes. On avait connu par le passé une patinoire à roulettes en centre-ville de Saint-Étienne. C'est le cas là régulièrement pour les petits, peut-être davantage ciblés, mais finalement les grands s'emparent aussi de la chose avec des roller mix qui vont aussi avoir lieu en soirée. Voilà. Ce sera le cas par exemple le 28 novembre. Le 28 novembre, donc c'était l'idée parce qu'en fait là, pas mal d'enfants les dimanches, donc les adultes ont un peu grogné en disant qu'ils aimeraient bien avoir des soirées que pour eux. Donc là, on sera en plus sur le concept disco évidemment, puisque sinon c'est pas une vraie roller mixte. Mais donc voilà, on aura un DJ, enfin il y aura tout pour faire et ça sera effectivement le 28 novembre. Donc on remet ça en soirée aussi. Et puis le jeune public est toujours bien sûr concerné, hein. Il y a aussi une véritable programmation dédiée, avec notamment aussi la mi-novembre, le 19 novembre, une soirée à la fois musique et support visuel cinéma, ouais, véritablement. C'est les concepts de ciné-concert, voilà, qui fonctionnent très bien aussi chez nous. Donc le jeune public, pour nous, c'est extrêmement important. Donc on a plusieurs dates qui se font dans la saison. Donc les mardis soirs, c'est une fois tous les trimestres à peu près. Et c'est une date qui se fait alors en scolaire l'après-midi et après qui est ouverte au tout public. Et en général, c'est l'après-midi, on est vraiment taquet. Max et Tani font un gros boulot pour que ça se remplisse, évidemment. Et puis après, le soir, bah, c'est ouvert aux familles. Et voilà, l'audience, là aussi, commence à se développer. Avec là, tu as cité le ciné-concert, on aura du conte musical. Enfin, voilà, on aura des choses qui font que bah, les tout-petits aussi peuvent venir au fil, y découvrir ça avec leurs parents. Très bien, merci Ludivine. Et puis, alors, petite particularité, on va faire peut-être focus sur cet événement. Je ne sais pas si Riwan est là dans la salle et s'il peut nous rejoindre pour évoquer cette date du 7 décembre qui fait aussi partie finalement un peu de nouveautés et de ce qui va aussi faire ici lieu de vie véritablement. On connaît le 4 décembre, journée et fête de la Sainte-Barbe pour commémorer aussi le passif et le passé ouvrier stéphanois, bien entendu. Très important que cette mémoire aussi ouvrière locale, abordée de façon plus festive, déjà depuis quelques temps à Saint-Étienne, parce que c'est une grande fête de la Sainte-Barbe qui maintenant est organisée depuis quoi, deux ans par le collectif, trois ans même. Là, c'est la quatrième année. Là, c'est la quatrième année, en investissant différents lieux de la ville. Ouais. Et donc, cette année, le fil avec ce grand bal de la Sainte-Barbe qui est prévu, Riwan. Ouais, en fait, on avait besoin de nouveautés. C'est vrai que la première année, c'était un peu tout nouveau et tout le monde trouvait l'idée super, et donc il y a eu très peu d'attentes, mais tout le monde était super content. La deuxième année, on a le droit aussi, on a fait à peu près les mêmes choses, et forcément chaque année on doit amener de la nouveauté pour que ça soit intéressant, pour grossir. On s'est posé les questions avec les partenaires, les différents établissements, et cette année la grosse nouveauté, et d'autres qui seront annoncées plus tard, mais la très grosse, c'est d'avoir cette soirée qui sera au fil, donc le 7 décembre, parce que ça répondait un peu à une problématique que les gens avaient. C'était qu'est-ce qu'on fait. Alors on a une sorte de cheminement feu d'artifice, restauration, bar, et derrière où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et donc du coup on est très ravis d'avoir pu travailler avec le fil et de pouvoir proposer un bel événement en décembre prochain. Très bien. Le grand bal de la Sainte-Barbe. Merci Riwan. Merci à vous. Pour cette date donc du 7 décembre, pour poursuivre d'autres activités, actions menées en ce lieu. Et là je vais inviter Max et Greg à rejoindre ici le plateau pour aborder ce lieu qui est aussi lieu de vie en termes d'action, d'atelier, d'accompagnement. Le fil est partenaire de nombreux projets, acteurs ou réseaux qui contribuent aussi pleinement au rayonnement du territoire en termes artistiques et culturels. Beaucoup de partenariats menés avec aussi d'autres structures locales. Je pense au Conservatoire Massenet, les Inuits du Printemps de Bourges, le dispositif Nos Talents sur Seine, le département de la Loire et j'en passe. Avec Greg et Max là, qui nous rejoignent. Greg, peut-être sur le travail d'accompagnement, justement, là, dont je viens d'évoquer quelques lignes, et tout un travail qui s'adresse aussi aux débutants, débutantes, confirmés, en voie de professionnalisation, voire professionnels parfois. Et donc, vous proposez, et tu en es largement responsable, toute une palette, tout un panel de dispositifs adaptés à ce public, ses demandes et à ses projets. Tu peux nous présenter ça en quelques mots ? Vite fait, ouais. Bonsoir. On fait des appels à candidature, donc pour faire un peu du repérage. Ça permet d'informer le public, les groupes, que nous faisons de l'accompagnement au fil, parce qu'il y en a, ils ne savent pas trop des fois où se diriger, ils font de la musique, ils ne savent pas où aller, quelle porte ouvrir pour pouvoir développer leur projet. Donc nous, on fait deux appels à candidature. On a en général une soixantaine de groupes qui candidatent. On fait un filtrage, on réoriente, on met de côté certains groupes qui ne sont pas encore prêts, mais qui pourraient être prêts. On en sélectionne 9 par an et on organise 3 soirées, les échauffées, justement. Les échauffées, donc c'est des soirées où il y a 3 groupes accompagnés. Ils passent entre 3 et 4 mois dans les studios, un peu de travail sur scène. Et ensuite, ça se finalise par une soirée au club échauffé, qui est filmé, enregistré, et les groupes, ils partent donc avec l'accompagnement qu'on a fait avec eux, toute la préparation, et ils partent aussi avec 2 titres qui sont mixés et montés en vidéo avec toute l'équipe vidéo que Nicolas Host a mis en place, et Anatole qui est avec nous en ce moment. Donc ça, c'est les soirées échauffées. Voilà. Et on a aussi les groupes donc en développement, groupes qu'on appelle filières jusqu'à maintenant, qui eux ont un accompagnement long sur une année civile. Et là, on met un peu le paquet. Donc c'est beaucoup, beaucoup de studios de répétition, beaucoup de résidences scéniques, la grande salle, parce que là, on passe quand même sur une autre échelle de groupe, un autre niveau de groupe. C'est en développement. Les pros, pas trop. On n'accompagne pas trop les pros. C'est plutôt, on s'arrête au développement. Après, ils sont grands. Ils nagent de leurs seul, propres hein. ailes. Ah, oui, oui, bah, oui. On a des exemples à Saint-Etienne, hein, d'ailleurs. Voilà, en gros. Oui, toujours en différents niveaux. Hein. Infiltré, profilé, filière. C'était un peu l'idée initiale. Voilà, ça, c'est nos codes internes. Et on va parler en interne des infiltrés, des profilés et des filières. Et pour le grand public, ce sera les échauffés, les soirées échauffées, groupe découverte. Voilà. Dont, par exemple, donc, cette date du 19 octobre, qui va mettre en avant précisément trois projets que tu as pu accompagner. Tout à fait, que nous avons pu accompagner ici, avec Monica, donc, qui était passée par Nos Talents sur Scène aussi. Oui. Mais c'était terminé, ils ont candidaté au mois de juin, on les a sélectionnés. Donc là, ils viennent de passer quelques jours dans les studios, 5 jours d'affilée, c'était bien intense. Ils reviendront travailler sur scène. On a Atone aussi, un duo. Alors, on a travaillé par esthétique, ça, c'était une nouveauté qu'on voulait faire pour ne pas perdre le public, hein, pour qu'on fasse des rendez-vous quand même cohérents. Donc on a une esthétique qui est plutôt électro. Donc Monica, c'est électro-punk. Atone, c'est plutôt ambiante progressif avec un duo batterie-synthé. Et on aura Farconer qui sera plutôt en mode, alors pas DJ set, mais il travaille avec des machines, avec un ordinateur. Il fabrique ses sons et il mixe ses sons, mais lui, il sera tout seul sur scène. Ça, c'est pour le 19 octobre. C'est l'occasion de voir finalement le travail de rendu. Hein. Mais on peut rappeler que ben, là, ce sont ceux 2024-25 qui sont appelés à rejoindre le dispositif avec un appel à candidature qui vient d'être lancé hier. Et on a déjà une douzaine de candidatures. Hein. Ça va très vite. Voilà, et qu'on pourra découvrir donc, sur les prochaines soirées échauffées. Voilà. Je peux compléter sur l'accompagnement ? Absolument. Voilà. J'allais te lancer. Sur l'accompagnement, on a des ateliers aussi. On ouvre, donc on avait ouvert l'année passer un cycle plutôt Ableton Live, qui est un logiciel de composition de musique électronique pour mixer, pour composer, pour jouer en direct, en live, qui est beaucoup, beaucoup utilisé par les artistes. Là, on va se diriger un peu plus vers les beatmakers, les home producers, les bedroom producers, en fait, c'est les gens qui font de la musique dans leur chambre, qui utilisent très souvent un logiciel qui s'appelle FL Studio ou Fruity Loops. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler par vos enfants, etc. Mais c'est très utilisé, Fruity Loops. Donc on fait un cycle débutant et confirmé qui seront dans les studios du Fil le 13 octobre et le 13 novembre. Tu veux poursuivre avec, alors, tu le disais, parce que lieu ressource aussi sur ce pôle-là des rencontres. Et c'est le cas avec, par exemple, Big Junior. Il me semble qu'il y a une rencontre qui est prévue début novembre. Alors, artiste associé en 2024. Voilà. On a des rencontres. Donc, c'est des moments où on ouvre le studio du Fil pendant 1h30, 2h, où on propose à notre public, aux personnes qui utilisent les studios, ou les gens qui sont en résidence, ou les gens qui sont au conservatoire, de venir rencontrer une personne. Alors là, on va avoir Big Junior, j'ai marqué ça, c'est le 6 novembre pour le storytelling. On se trouve toujours un petit thème, c'est l'administratif, c'est l'organisation de soirée. Là, en l'occurrence, c'est le storytelling, c'est comment on travaille une histoire sur la sortie d'un morceau, la sortie d'un album, avoir un petit peu de concept et un peu susciter la curiosité du public avec toute la masse d'informations qu'on a sur les réseaux. Il faut trouver la chose pour ressortir, pour être singulier, pour être remarqué. Les rencontres, ça, on les travaille avec le PAX, le CRR, le Château du Rosier. Qu'est-ce que j'ai mis, ça ? Et le Fil, évidemment. Et le Solar, pardon, excusez-moi, c'était ça qui était mal noté. Donc il y aura une deuxième rencontre. Donc le 6 novembre, c'est Big Junior Storytelling au Fil. Et le 4 décembre, au PAX, nous avons un artiste que nous avons accompagné qui vient parler de son expérience. Il s'agit d'Anome. Anome qui va nous parler du développement de projet artistique et la santé mentale au travail. En tant qu'on est artiste, la santé mentale, parce que c'est quand même compliqué de temps en temps. un homme que j'ai aperçu ici dans la salle qui est juste là-bas. Mmh. Santé mentale et développement de projets artistiques au PAX, en effet, sera le mercredi 4 décembre prochain, Greg, si je ne me trompe. Et puis, travail aussi d'accompagnement en termes de résidence. Il y a toujours les studios, bien sûr, qui sont à disposition. Une journée de résidence sur la scène du club pour préparer un live. Enfin, ce sont des possibles aussi en ce lieu. Oui, tout à fait. Après, on a plein de résidences. On a les mécanos qui vont venir. On va... Et puis, j'ai un peu oublié le reste. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Mais oui, on a des résidences en octobre, en novembre, en décembre. Il y aura Malacca en décembre. Il y aura Yaros qui va venir aussi en résidence. Et ça revient un petit peu. Voilà. L'Entourloupe aussi qui vont revenir. Ils sont habitués. Voilà, l'année prochaine, on aura deux de la découverte à des projets davantage confirmés. Merci, Greg, Plaisir. Pour ce Merci volet Polac, comme on le dit un peu en interne, pour l'accompagnement. Travail d'action et d'atelier, d'action culturelle, avec Max aussi, qui est ici Bonsoir. Présent. Avec Tahani aussi, vous formez un binôme qui est très investi sur ce pan-là. Alors peut-être... Là aussi, présenter en quelques mots les actions culturelles qui sont menées ici et puis faire focus peut-être sur deux, trois projets un peu comme ça qui te semblent essentiels sur cette saison à venir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pas mal de projets là, de septembre à décembre, dont certains qui ont déjà bien commencé sur les chapeaux de roue. On a un projet assez chouette qui s'appelle les Starlettes. Ce sont des jeunes filles du quartier de Terre-Noire. J'ai pris des notes, mais j'ai oublié. Donc, cinq jeunes filles qui ont découvert le fil en venant voir le concert de Jazz Feminine Band. Star Feminine Band. C'était pour voir si tu m'écoutais, en fait. Et du coup, qui ont vraiment flashé et qui se sont dit, on veut faire de la musique, nous aussi. Donc, elles sont accompagnées depuis un an et demi maintenant par différents artistes associés au fil. C'est Annie, formidable collègue, qui accompagne ce projet. Et elles vont se produire lors des Vivement Dimanche du mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un projet... La Grande Smala, par exemple. Alors, un petit peu après, si t'embêtes pas. Comme tu veux. Alors, on a un projet qui s'appelle Labo d'essence, qu'on avait initié l'année dernière, un projet assez étonnant qui mélangeait des ados d'un institut pour jeunes sourds et des personnes âgées d'un EHPAD. Et ces deux publics, pourtant qu'on peut imaginer très éloignés, ont travaillé pendant plusieurs mois pour présenter un travail de création sur la scène du club. Et on relance le dispositif, on lance le projet avec aussi deux artistes associés, Lou Muguet et Juliette Larochette, qui vont travailler toute l'année à les accompagner et les emmener jusqu'à la scène. On a beaucoup de projets avec les scolaires, bien évidemment, beaucoup de projets avec les collèges. Maintenant, avec le système du Pass Culture, on organise des journées à thème autour de la musique pop, la musique électronique, les musiques rap, toujours avec des artistes associés. C'est toujours un petit peu le même principe. On est investi, bien sûr, avec Tahani sur ces projets. On les monte, mais on fait appel à des artistes qui viennent travailler avec nous. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est souvent des artistes avec lesquels Greg travaille, une articulation assez évidente qui fonctionne très très bien. La Grande Smala. Donc on a, ça fait un petit moment qu'on avait envie, ça faisait quelques années avec Tahani, on avait envie de monter une chorale. Parce que ça faisait, on rencontrait aussi des gens qui nous disaient, on aimerait bien chanter, mais chanter des trucs pop, des trucs de maintenant. Et donc on a lancé l'appel à projet la semaine dernière. On a été un petit peu victime de notre succès, donc on est assez content. On était pratiquement à 45 inscriptions. Donc pour l'instant, on a arrêté parce que bon, on peut pas faire ça non plus. Au-delà, ça va devenir peut-être un peu compliqué. Donc on lance le projet. J'ai plus la date en tête, mais c'est le 7 octobre, avec une première rencontre avec une artiste qui est également sur d'autres projets. Je l'ai mentionné juste avant, Lou Muguet, qui va écrire et puis mettre en voix tout ça. Et puis on verra où va nous mener cette aventure. En tout cas, ça démarre le lundi 7 et c'est le lundi de 18h30 à 20h, une fois tous les 15 jours. Une fois tous les 15 jours, toute l'année. Environ 20 séances comme ça, toute l'année prévue, pour Grande Smala. Tout à fait. Et puis alors, puisqu'on l'évoquait, peut-être s'arrêter, puisqu'on va aussi faire transition avec le rendez-vous à suivre tout à l'heure. Tu l'as dit, projet ouvert à tout public, les écoles, les collèges, les lycées, donc les grandes, les petites oreilles. Looping peut-être pour terminer. Alors, grandes, petites oreilles, ça débutera à partir de janvier. C'est un peu notre calendrier. Et le projet Looping, donc le projet Looping, c'est un projet qui va débuter sur sa cinquième année, chaque mercredi après-midi, on a entre 15 et 20 ados toute l'année, qui viennent travailler à apprendre à utiliser les nouveaux outils de production. Et pourquoi on a monté ce projet ? Parce que en menant des projets autour des musiques dans le champ du hip-hop ou dans le champ des musiques électroniques, beaucoup d'ados venaient nous voir en nous disant « Mais où est-ce que je peux apprendre à faire ça ?» Et on était un petit peu embêtés parce qu'il n'y a pas d'endroit où apprendre ces nouvelles pratiques. Donc on a monté cette école, en fait, qui s'appelle Looping, sur un principe de travail exclusivement collectif. On n'est pas dans du cours individuel. Et avec toujours ce principe d'artiste associé. Donc, je vois Tom de Hanom qui travaille aussi beaucoup avec nous. Fiskara, L'Entourloupe, Terre Noire qui nous avait invités l'année dernière à jouer lors de leur festival. Fellower, voilà, toujours des artistes. Jamin, il y en a plein. Dan, voilà. Et donc, juste pour expliquer ce qu'ils vont faire ce soir, donc on s'est un petit peu calé avec Julien pour monter ça. On a invité un artiste qui s'appelle Clément, qui s'appelle Zajadza, qui est juste devant nous là-bas, qui jouera aussi après un petit peu plus tard ce soir. Et en fait, c'est un spécialiste du sampling. Et du coup, l'idée, ce qui nous a fait délirer, c'est qu'en fait, on a pris la programmation, on a samplé la programmation. Alors, nous, les élèves ont samplé la programmation, on les a accompagnés pour mener ce projet, et tout à l'heure, ils vont vous faire écouter ce qu'ils en ont fait. Ils ont pris des extraits, des bouts de sons de groupes qu'on a entendus tout à l'heure, et ils ont recomposé, retravaillé à partir de ces sources sonores. C'est ce qu'on va découvrir tout à l'heure en deux sessions, hein, je le disais, ce sera 19h pour le premier temps et 20h30 également. Juste petit point sur Looping, sur cette nouvelle promotion, est-ce que c'est bouclé pour l'heure ou non. Les candidatures sont encore d'actualité? Les candidatures sont encore ouvertes et c'est arrivé qu'il y ait des élèves qui arrivent en cours d'année. Okay. On arrive toujours à se débrouiller pour qu'ils rattrapent les autres, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Très bien, merci Max, merci. L'équipe aussi du Fil. Je crois qu'on a tenté de une belle performance, de tenir en 30-40 minutes, de faire un tour d'horizon de l'ensemble des activités de cette salle. Vous voyez qu'on peut pousser la porte du Fil finalement à tout niveau, avec toutes intentions, que ce soit pour venir assister à un concert, que pour venir assister aux nombreux projets et nombreuses actions culturelles qui sont menées en ce lieu. Grand merci. On va poursuivre la soirée après ce temps de conférence et de présentation par l'inauguration officielle de cette fameuse terrasse et donc cet espace extérieur avec les beaux rayons de soleil. Ils sont en train de finir d'aménager, c'est ce que j'aime le plus, c'est qu'on est en train de repasser encore avec des trucs. Merci Lionel pour cette présentation de la conférence de presse. Effectivement, je vais vous demander de créer un mouvement latéral vers la terrasse, hein, puisque nous allons aller dehors, parce que en fait cette terrasse, il faut, pour la découvrir et pour faire cette inauguration, vous allez aller dehors et en plus vous avez vu, il ne pleut plus. Donc allons-y, et en plus le soleil est avec nous, donc je vous propose qu'on aille dehors. Parfait. Et on se retrouve dehors pour l'inaug. On va prendre la parole là-bas. Retransmission à l'instant de cette conférence de presse qui se tenait le 26 septembre dernier, avec, vous l'avez entendu, en clôture de cette rencontre, ce temps d'inauguration officielle de cette nouvelle terrasse, puisqu'après donc une saison de travaux, c'était l'occasion aussi de retrouver et d'inaugurer ce nouvel espace extérieur avec scène, bar, food truck et j'en passe, qui va véritablement être un nouvel espace investi en termes également de programmation. Programmation et lancement de saison le 26 septembre dernier. En effet, avec ici quelques salariés de cette équipe composée de 18 permanents, notamment. Alors vous avez pu entendre Maxime Laviville, Grégory Alliot, Julien Pickering et Ludovine Ducrot, directrice de cet équipement pour le fil et toutes ces actualités, activités, actions menées. Vous l'avez entendu en long, large et travers, de façon assez détaillée. En effet, le fil, c'est une salle, c'est de la diffusion certes, mais c'est aussi un ensemble d'actions, d'accompagnement, d'actions culturelles qui sont aussi menées tout au long de l'année par l'ensemble de cette équipe salariée, équipe bénévole aussi très investie. Vous l'avez entendu de par aussi l'actualité associative. C'est une association, l'ALIMAS, l'Aligérienne de Musique Actuelle, qui gère également ce lieu. Plus d'infos, le-fil.com pour toutes les informations relatives aux activités de ce lieu. En termes de programmation, nous l'avons évoqué aussi, tentant de balayer ce premier trimestre de programmation. On entend là le son de Satellite, qui est aussi entre un folk turc traditionnel, guitare psyché et puis ligne basse assez groovy. 6 membres qui vont pouvoir se produire le 17 octobre prochain avec Olurmut Dersin, que l'on a entendu ici, reprise de la chanteuse Camerona encore, sortie en 1975. C'est une date partenaire, ce 17 octobre prochain, avec les Satellites ou Satellites. D'autres dates encore, et nous l'avons évoqué là aussi, les Mécanos pour exemple, pour revenir et faire focus aussi sur ce projet local. Les Satellites certes, les Mécanos dans un registre aussi peut-être bien musique du monde, qui vont sortir leur album le 22 novembre prochain et qui vont surtout assurer une release party le 26 octobre. On va être aussi dans les musiques du monde, entre polyphonie occitane et chants galiciens, avec Barout à Qatar et les Mécanos le 26 octobre, le fil. Et c'est aussi un rendez-vous diophonique que je me permets de rappeler, puisque eh bien, ils seront dans ce même programme des mots des sons sensibles. Ce sera dans une semaine, mardi prochain, 15 octobre, dans ce même mag invité. Et puis les échauffés, on en a parlé en ce mois d'octobre, le 19 octobre, avec Aton Farconer et Monica coup de cœur duo également, du tremplin Nos Talents sur scène 2024, que vous retrouverez aussi sur l'antenne du 89 en interview live. Ce sera pour le jeudi 21 novembre prochain. Et puis d'autres dates partenaires, on l'a évoqué, et donc ce sont des places à gagner sur le 895 de Dio. N'hésitez pas à nous contacter pour les évoquer en vrac pour cette fin d'année. Ziné Maou le 6 décembre, Lysistrata le 30 novembre, le Chicago Blues Festival le 21 novembre, Feld Up également, Ludwig von 88 le 9 novembre, Tiken Jaffa Coli le 8 novembre, et pour ce mois d'octobre, les Satellites, c'est la soirée After Work Session Live Dub de ce vendredi 11 octobre. Pour ce, nous avons des places à vous proposer et à gagner sur l'antenne de Nuo. C'est tout simple, il suffit de nous contacter, un petit mail à contact@radiodio.org. contact@radiodio.org. Voilà, premier contact, premier servi. Et puis cette date, bien sûr, et nous allons terminer en guise de générique de fin avec cette date du 12 décembre, c'est Sean Couty et Égypte 80 qui se produira le jeudi 12 décembre. Et nous aurons là aussi l'occasion et le plaisir d'assurer un rendez-vous radio live à partir de 19h30 avec rencontre auprès de Sean Couty au club que nous assurerons donc le 12 décembre prochain. Ne manquez pas ce rendez-vous. On termine précisément avec Sean Couty et l'actualité discographique, puisque Sean Couty et Égypte 80 a dévoilé il y a quelques jours son dernier album, qui est sorti ce 4 octobre sur le label milanais Record Kicks. L'album s'intitule Heavier Yet Lays the Crownless Head, et donc un de ses titres, Stand Well Well, morceau afrobeat brûlant que je vous propose de découvrir, inspiré du roman dystopique de 1932 d'Aldous Huxley, Le Meilleur des Mondes, qui décrit une société futuriste et eugéniste, très hiérarchisée, divisée comme ça en différentes castes, dont les individus sont conditionnés biologiquement et psychologiquement afin de garantir la stabilité, la continuité du système. Inspiré donc d'Huxley, de Ce Meilleur des Mondes, Stand Well Well de Sean Couty, Égypte 80, que je vous propose donc de découvrir en guise de générique de fin. C'est la toute fin de ce programme des mots des sons sensibles. Tout bon chez vous, portez-vous bien. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Ciao, bye. About justice.